Voici les paroles des autres. Le volume de ma radio trop fort, à crier les paroles des autres, à essayer de chanter encore, sans défoncer les côtes. Le volume de ma radio trop fort, à crier les paroles des autres, à essayer de chanter encore, sans défoncer les côtes. Et cette fois-ci, on écoute la version complète de la chanson thème de C'est un fait. Why are we at the playground? Because I told Patrick we're gonna meet up. Do I have to play with his son? Yes. But he smells like ranch dressing. Then just, I don't know, hold your breath or something. Go play. Hey, man. Hey. C'était la chanson thème de la chronique C'est un fait version janvier 2014. On a entendu Tighten Up par The Black Keys sur l'album Brothers. Vidéoclip qui est à voir. Je l'ai posté sur la page Facebook d'Assemblage Requis. C'est pas mal meilleur avec le vidéoclip autour, surtout qu'il y a une petite histoire parlée dans la chanson. Et puis, il y a une version chiptune par MMI utilisée pour C'est un fait Tech Edition dans le Mathieu Plante Show. Donc, c'est la même version mais avec de la musique de jeux vidéo. Voilà, c'est The Black Keys, Tighten Up. Toi, chiptune, tu pourrais pas t'en passer, hein? Jamais. Ah, je l'ai écouté hier là, pendant un bon bout de la soirée, j'écoutais du chiptune. Je pensais dire au moins pendant une heure pendant mon émission. Non, ouais aussi. J'aimerais ça mettre plus de musique dans Mathieu Planche. Parler moins, jouer plus de musique. Un petit peu. OK. C'est bon, du chiptune, pour moi. Et j'espère pour certaines personnes aussi. De la musique qui sonne jeux vidéo pour ceux qui ne suivent pas trop. Donc voilà pour les paroles des autres, c'est la chronique où on écoute une chanson thème dans l'univers Mathieu Plante. Il y en a plein et ça fait un bout qu'on l'a pas fait, donc il y a encore tout plein d'autres chansons à se faire entendre, à écouter pendant les prochaines semaines.